trop de jaloux sur cette terre. Le nid je monte en l'air, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. De moi, Merlin, par où tourne. Veulent nous mettre sur le banc, touché porte de fourreau. Moi j'étouffe, si je m'applique, c'est pour les coups. Je ne sais pas ce qu'est le coup de foudre. Quand je suis toujours, je jamais ce qui je suis et d'où je viens. Tout votre argent ne me rendra pas une vie volée à coups de poing. Si vous me croisez dans les rues, n'hésitez pas, venez me voir. Si vous voulez, je crois qu'on fait juste un petit bout de mon histoire. Les temps, dosez le niveau. Luttez pour survivre afin de ne pas finir trop qu'à niveau. Dans plusieurs cités, les familles sont en tête. Car Sarko pense qu'à vous mater, c'est une telle procès. Ça y est, je m'élance à fond, appelle-moi le démon. Manie pas un démon, manie le micro pour les fronts. Un seul message en tête, je persiste à mon tête. Tu me diras que c'est bête, bête mais réel. C'est au rap, je me mêle. Il a rappeurs qui ont fait de cet art une vraie saloperie. Au fait, je l'ai pas dit. Je suis pas dans un homme. Je resterai votre pire ennemi jusqu'à la descendance de vos petits. Je vais hanter vos sales esprits du matin jusqu'à la nuit. Je suis payé. C'est gardé, ça suffit de me demander. Qu'est-ce qui va se passer après? Bref, je t'ai décrit ce qui se passe à Marseille sur ma vie. Tu me crois pas la famille? Viens me faire un tour dans ma vie.